Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. Question 109. De la vérité ou sincérité. La vérité ou sincérité, vertu spéciale comprise sous la justice, penche vers le moins dans l'affirmation. 1. La vérité est-elle une vertu? La vérité, quand on la prend, non pas précisément pour la conformité de la parole avec ce qui est, mais pour la qualité habituelle qui mérite aux hommes le titre de véridique, est une vertu, puisqu'elle nous rend bons, nous et nos actes. Note. Est-ce à dire que tous ceux qui parlent avec vérité fassent un acte de vertu? Non, sans doute. Il est souvent blâmable de dire ce qui nous concerne, soit le bien, soit le mal. La franchise ne suffit pas pour faire une bonne action, il faut observer les règles prescrites par les autres vertus, sans quoi l'on commet un acte vicieux. Ce serait une faute, par exemple, que de se louer soi-même sans cause légitime, même en disant la vérité, comme c'en est pareillement une que de publier sans utilité ses mauvaises actions. La vérité, considérée comme vertu, c'est garder un sage milieu entre l'excès qui révèle ce qu'il faudrait taire, et le défaut qui tait ce qu'il faudrait révéler, et l'énonce le vrai quand il faut, et comme il faut. Fin de la note. 2. La vérité est-elle une vertu spéciale? La raison veut que nos paroles, nos actions, tout notre extérieur, se rapporte à quelque type, comme le signe à la réalité. L'homme est perfectionné à cet égard par la vertu de la vérité, donc la vérité est une vertu spéciale. Note. La vérité se résout, en pratique, dans la simplicité, qui est le contraire de la duplicité. La vérité, comme vertu, n'est autre que la véracité par laquelle l'homme se montre, dans ses discours et dans sa conduite, tel qu'il est, faisant connaître ce qui le concerne avec droiture, avec franchise, sans rien ajouter ni rien retrancher. Fin de la note. 3. La vérité est-elle une partie de la justice? La vérité, rangée par Cicéron au nombre des parties de la justice, est unie à cette vertu par un double rapport, car son acte propre, la manifestation de ce qui nous concerne, est relatif à autrui, et elle établit, en outre, une sorte d'égalité entre la pensée et la parole. Mais, comme elle n'implique pas l'idée d'une dette légale et qu'elle s'attache seulement au dû moral, pour le prescrire au nom de l'honnêteté d'après laquelle les hommes doivent se manifester mutuellement le vrai. Elle ne s'unit à la justice que comme une vertu secondaire à une vertu principale. Note. Les hommes se doivent mutuellement la vérité. La société, pour laquelle ils sont créés, ne subsisterait pas, s'ils n'avaient pas foi les uns et aux autres. Fin de la note. 4. La vertu de la vérité incline-t-elle vers le moins? S'agit-il d'affirmer quelque bien de soi-même, l'homme vrai incline vers le moins plutôt que vers le plus. Quoiqu'il ne dise pas toute la science, toute la sainteté, tout le bien qu'il possède, la vérité n'est point blessée, le moins est dans le plus. Et la prudence nous conseille de diminuer nos qualités plutôt que de les exagérer. Quiconque dit de soi plus de bien qu'il n'en a, blesse les autres, en paraissant vouloir s'élever au-dessus d'eux, tandis que celui qui s'attribue moins de mérite qu'il n'en possède, leur plaît, en s'abaissant vers eux par sa modestie. S'agit-il de nier des talents que l'on possède réellement? La vertu de la vérité ne penche pas vers le moins, elle tomberait dans le faux. Cependant, le plus lui répugnerait encore davantage, à cause de la prudence qui doit lui servir de guide comme à toutes les autres vertus, s'élever au-dessus de son mérite est un acte plus imprudent que de s'abaisser au-dessous. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.